Prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine pendant 3 heures, on déballe les CD pour voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, ce qui pourrait finir dans les palmarès de C'est fou. Du côté francophone, cette semaine, que quelques petites affaires. On va entendre du Maria tantôt, mais on commence avec quelques pièces de Corey Edwards. Il nous a envoyé 3 pièces, ça s'appelle Flèche dans le vide, volume 1. Et tout de suite, voici T'en fais pas dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Voici une chanson que j'ai écrite. C'est pour les personnes tristes et aigries. Ta femme t'a délaissé pour ton coloc. J'ai pas la ta thérapeute, mais elle s'en moque. T'en fais pas. Pas de main, c'est pas grave, c'est pas grave. Souris. Tes enfants parlent de l'ecstasy, puis ils fument la marijuana toute la nuit. T'en fais pas. Les enfants sont les enfants, ils vont faire ce qu'ils veulent. Souris. Ton patron te traite comme un chiot. T'as même pas de sous pour manger griot. T'en fais pas. Mais faut juste trouver un autre boulot, c'est pas grave. Souris. Le prix du pétrole monte, t'en as marre. Tu dois vendre ta fille pour remplir ton char. T'en fais pas. Elle était agaçante de toute manière. Souris. Les cambrioleurs n'avaient pas de pitié. Il a même osé chier sur ton oreiller. T'en fais pas. Bordel, il est méchant. Souris. Le monde paraît triste quand t'es lucide. Ton chien, ton chat ont fait un pacte suicide. T'en fais pas. Youpi, souris. Ton fils est un accro et ta femme est un folle. Je veux bander mais ton cul reste molle. T'en fais pas. Il y a toujours la Viagra. Souris. Les flics t'ont mis dans une cellule. T'as tout perdu et les détenus t'enculent. T'en fais pas. Ça fait mal. Souris. T'as acheté la cocaïne pour être souriant. Mais ils ont mis la verre écrasée là-dedans. T'en fais pas. Bonnet, ça c'est. Souris. T'aimes bien ton copain. Mais il est louche, tu l'embrasses et ça goûte du poisson dans le bouche. T'en fais pas. T'étais où hier soir? T'étais où? Souris. T'as pas assez d'argent pour payer ton loyer. Tu gardes du harcicola pour te choyer. T'en fais pas. Mais bien fait de la pauvreté. Souris. T'as acheté une pizza délicieuse, c'est pas faux, mais les oiseaux en chient là-dessous. T'en haut, t'en fais pas. Merdique pigeon. Souris. Tu gagnes au loto, tu ressens la joie, mais ils ont trouvé un cancer dans ta foi. T'en fais pas. Avec l'argent, tu peux acheter l'autre. Souris. Ils te vendent l'ecstasy. Tu les empiffres, mais c'était des laxatifs. T'en fais pas. Souris. Ton mari est enragé avec une rage pure. Et jette ton chat vivant directement dans le four. T'en fais pas. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Souris. Une fille t'a invité entre ses cuisses, mais dans les boutons poussent sur ton piné. Chris, t'en fais pas. C'est pas grave, négro, c'est pas grave. Souris. Tu rentres chez toi et tu vois le drame. Ton voisin est en train d'enculer ta femme. T'en fais pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Souris. Tu te croyais proxénète, idée bête. Maintenant ça brûle quand tu pisses et ça c'est pas chouette. T'en fais pas. Mais ça paraît comme la gonorrhée, mais c'est guérissable. Souris. L'imagination de ton fils est très féconde. Il a mis son cochon d'Inde dans le micro-ondes. T'en fais pas. Il a juste écouté trop d'Eminem, c'est tout. Souris. Tu vois la vie, c'est difficile parfois, mais c'est pas grave ça. Faut pas pleurer, faut rire, même si t'as perdu tes ongles, toutes tes affaires dans la banque, tout perdu ta maison, faut rire, même si tu souffres dans la gouffre et tout, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. De toute manière, la corde, ça coûte pas cher, en fait, je sais pas, ça coûte vraiment pas cher, mais rien au moins. Le poste d'écoute. Ici à Québec, on a tous les motards, les gangs de rue, les enfants perdus, devenus des détenus. Si elles vendent pas leur corps pour nourrir des proxénètes qui leur infligent des souffrances, se croyant chouette. Ici à Québec, la pauvreté existe toujours. Sortez de Montréal, tu la verras à coup sûr. Ici à Québec, les femmes souffraient d'une manière atroce. Battu si elle saignait pas assez la nuit de ses noces. Ici à Québec, il y a des types riches mais qui souffrent. Ils reniflent la cocaïne et glissent doucement vers le gouffre. Ici à Québec, même les membres prennent l'ecstasy. Ensuite, leurs parents leur mettent au soin d'eux des PJ. Ici à Québec, il y a des types qui haïssent les femmes. Et dans leur tête ne circulent que des pensées infâmes. Ici à Québec, on avale tout genre de pilules. Sinon, c'est l'institut Pinel ou bien la cellule. Ici à Québec, c'est beau, mais c'est une beauté sauvage. Pour les yeux lucides, il paraît qu'on fait naufrage. Ici à Québec, il y a le vide, il y a plus de foi. Les églises sont vides, on traite les prêtres de stupides. Les prédicateurs perfides qui vantaient l'ignorance. Uniquement par la soif du pouvoir à outrance. Ici à Québec, on se croit libre, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on vit un enfer déguisé en conte de fées? Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec. Ici à Québec, il y a une pénurie d'enfants. Alors pour remplir les rangs, on importe les immigrants. Ici à Québec, je pense qu'on joue trop au loto. C'est dangereux que mettre ivre au volant d'un moto. Ici à Québec, l'homosexualité fait rage. Ici à Québec, trop de jeunes pourchassent des mirages. Ici on parle des gangs de rue perpétuellement. Quand la toxicomanie, c'est bien plus menaçant. Ici à Québec, on pourchasse la vie idéale. Et les gens n'ont rien à foutre de la cohésion sociale. Ici à Québec, les gens se sentent menacés par les étrangers qui cessent pas de s'entasser dans le quartier de Montréal avec leurs semblables qui cherchent d'être intégrés mais qui parfois sont rejetés. Ici à Québec, le racisme se montre parfois, puis les gens se culpabilisent, ressentent le désarroi. Ici à Québec, souvent les jeunes quittent l'école et obtiennent leur diplôme lorsqu'ils sont mis en tôle. Ici à Québec, y'en a qui baissent leur propre fille. Ici à Québec, parfois la vie a l'air pervertie. Ici à Québec, voilà ce que j'ai appris. Jugeant par ses gestes, pas par ce qu'il a dit. Ici à Québec, je veux quelque chose qui m'a surpris. À la campagne, je veux un plan habillé en Kenny. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec. Ici à Québec, on a délaissé les églises pour ensuite envahir le centre de chaque surprise. Ici à Québec, on a la peine mais on sourit, même si la cicatrice de l'angoisse ronge la chair de notre esprit. Si on est en compagnie, on boit et on rit. Et lorsqu'on est tout seul, on pleure des larmes écrites. Et pour chasser les démons qu'ils ont dans le dos, certains se prennent pour cette fleur du mal, le pavot. Ici à Québec, les femmes sont belles, les hommes généreux. Fidélité à toute épreuve, rarement peureux. Ici à Québec, l'hiver ça gèle comme l'Antarctique. Mais quand ça neige partner. C'est vraiment magnifique. Ici à Québec, l'automne fait penser au paradis. En marchant dans la forêt, t'oublies tes soucis. Ici à Québec, parfois je me sens perdu dans la vie et dans la foule. Alors la peine me saoule. Avec mon stylo, je me défoule, monte ma vision. On peut même dire que c'est une sorte de libération. Mais revenons à nos moutons, la belle province où les gens vivent en rêve, mais qui la réalité pince. Ici à Québec, les bien et le mal se côtoient. Y'en a qui flottent sur les vagues, y'en a qui c'est noir. Ici à Québec, y'en a qui savent que la vie est belle, mais y'en a toujours qui font sauter la cervelle. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. Ici à Québec, Québec. Ici à Québec, Québec, Québec. C'est tout? Ça grave bien? D'accord, d'accord. C'est fou depuis 10 ans. Je marche dans la vie, mais c'est pas facile. Avec le cœur déchiré, l'esprit débile. Mais rester sur les fesses n'est pas mon style. Je me sens comme un colosse aux pieds d'argile. Énumérer mes problèmes, perdre des temps. Il faut que je combatte dorénavant. J'ai perdu des batailles, goûté mon sang. Mais je suis un soldat du premier rang. Des fois les films m'empestent comme la haine. Alors je crache des paroles malsaines. Ils peuvent bien m'haïr, mais tant qu'ils me craignent, c'est ça mon devise. Quoique j'agonise, je réserve une surprise pour mes ennemis, peu importe ta taille ou catégorie, je mets des bruxelles. Je veux être aimé, mais dans la vie j'ai trop souvent saigné. Ma haine est pure, la mort est sûre. Mon cœur est dur comme un mur. Mais ici est mon parcours, toujours. J'aimerais ceux qui m'entourent, ceux qui m'aient donné secours et l'amour. Et ici est mon parcours. Je cherche mes réponses, l'amour et tendresse. Un cynique convaincu, je le confesse. Tard le soir, je suis seul avec mes pensées. Avec mes projets grandios, c'est insensé. La vie m'a volé mon innocence, la remplacé avec la démence. Mais j'ai continué sans retenue, devenu névrosé et détenu. J'ai une nature cruelle, c'est ton géant. Mais tu dois lutter, sinon les gens te domptent et tirent un profit de ta faiblesse. Alors des fois, j'ai une haine vengeresse. J'ai ressenti les caresses de la manche, seulement en paix la nuit. Quand je dors, mes épreuves m'ont rendu vraiment fort. Mais dès mes balafres, je tire pas de confort. Ma haine est pure, la mort est sûre. Mon cœur est dur comme un mur. Mais ici est mon parcours, toujours. J'aimerais ceux qui m'entourent, ceux qui m'aient donné secours et l'amour. Et ici est mon parcours. J'espère dans mon cœur, quoique l'envie de tout lâcher m'a déjà investi. Maintenant je souris, voyant mon passé. Ces bâtards qui voulaient me casser. Maintenant c'est en tôle qui sont entassés. C'est sur leur tombeau que je vais danser. Les blessures sur mon âme, je vais les penser. Des connards, je vais me distancer. Pour ceux qui me critiquent, me trouvant inique, ils valent moins qu'un nuage de moustique. La vie est tragique, je le sais trop bien. Les ambitions des hommes sont comme rien. On propose, mais c'est Dieu qui dispose. Il donne des ecchymoses ou des névroses. Je suis morose et ça se voit dans mes peaux. Je bois plus, je fume pas le shit, mais je cause. Ma haine est pure, la mort est sûre. Mon cœur est dur comme un mur. Mais ici est mon parcours, toujours. J'aimerais ceux qui m'entourent, ceux qui m'aient donné secours et l'amour. Et ici est mon parcours. La mort est sûre, mon cœur est dur comme un mur. Mais ici est mon parcours, toujours. J'aimerais ceux qui m'entourent, ceux qui m'aient donné secours et l'amour. Et ici est mon parcours. Corey Edwards avec la pièce « Mon parcours » de son EP « Flèche dans le vide » volume 1. C'était précédé de la pièce « Ici à Québec » et de « T'en fais pas », un remake évidemment de « Don't worry, be happy ». Corey Edwards, un artiste hip-hop de Montréal. C'est vrai, ça, myspace.com/ Corey Le Fou, C-O-R-E-Y Le Fou. Ou encore, ben en fait non, c'est pas mal son seul site web. Ça dit, né en 1976 en Jamaïque. Corey a toujours été passionné pour le rap. La raison était que le père de son frère envoyait régulièrement la musique américaine à son fils. Et ce dernier est devenu un accro pour le hip-hop. Bon, vous voyez que son français est pas super bon dans ses pièces, mais bon, quand même. C'est loin d'être mon genre de musique, mais bon, c'est pour certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui aime ça. Hein? C'est quand même mon opinion. On continue avec quelque chose d'autre. C'est en anglophone. Cette fois-ci, on va entendre la formation Mardeen. L'album s'appelle Read Less Minds. Et tout de suite, voici Kids. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois tous ensemble à la Radio Campus de Trois-Rivières. Le 89.1 FM, c'est fou! Don't let me go. My body's on fire, so don't let me go. I am tonight I've been La formation Mark Dean dans le poste d'écoute avec la pièce City Lights, précédée de Comeback et de Kids, les trois premières pièces de leur nouvel album Read Less Minds. Mark Dean, un groupe d'indie rock power pop de Halifax en Nouvelle-Écosse. Les membres sont Matt Ellis à la basse et la voix, Travis Ellis à la guitare et la voix, John Pirro à la guitare et la voix et Jason Burns à la batterie. Allez voir le myspace.com/Mark Dean ou encore mardean.com. Et en passant, formation Mark Dean qui était le poste d'or à l'émission du 23 février 2007 avec leur EP. Et justement, les trois pièces de leur EP sont aussi sur l'album Read Less Minds. Donc voilà, une pierre deux coups, comme on dit, Mark Dean avec Read Less Minds. On continue avec du francophone. On s'en va entendre Marie-A, qui est en fait Marie-André Lessard. Elle nous envoie son album « C'est à ça que ça sert », réalisé par William Aubin et Marie-A en 2007. Donc, voici tout de suite la pièce « C'est à ça que ça sert », suivie de « Que la voix du jugement se taise » dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.fr. Encore une fois, à quoi que ça sert de s'indigner, toujours et encore, lorsqu'on te fait la sourde oreille, lorsqu'elle sent bouger, à quoi que ça sert? Ça sert, je sens que ça sert. Osez relever la tête, osez ouvrir la bouche, pour dire qu'on se laissera pas faire, que nos intentions sont louches. Se sentir plus fort, se sentir quelqu'un, osez sortir dans la rue pour crier qu'on a faim. On restera pas ici en regardant le train passer. Si ça pas de bon sens, on dirait c'est pas les bras croisés. Il faut réagir, il faut manifester, il faut se ressaisir, il faut vous inviter à réfléchir. Ou agir, pour se mobiliser. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ça sent que ça sert, ça sent que ça sert. Briser mon isolement, ça sent que ça sert, ça sent que ça sert. Rester vivant, ça sent que ça sert, ça sent que ça sert. Pouvoir penser à demain, ça sent que ça sert. Parce qu'on est des victimes qui sont des chiens méchants. On fait pas ce qu'on pourrait pas faire autrement. Écoute ton cœur, écoute tes gens. Écoute surtout ton gros bon sens. Écoute ton cœur, écoute tes gens. C'est toi à nous pour entrer dans la danse. Ah, ah, ah, ah, ah. Ça pas de bon sens quand on y pense. Ça sort que ça sert, ça sort que ça sert. Affirmer notre point de vue, ça sort que ça sert, ça sort que ça sert. Refuser de s'avouer vaincu, ça sort que ça sert, ça sort que ça sert. Ça sort que ça sert, sortir dans la rue. Encore une fois, toujours et encore, je sortirai dehors, je vais me battre. Retour d'autres pièces de Marie A et le nouvel album des Stills, Oceans Will Rise, dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Je me dois de vous raconter l'histoire d'un homme, d'un prêtre qui a seulement donné à sa communauté. Récemment, notre ami a l'esprit troublé par un collègue qui se voit embrasser. Autour de lui, la menace le guérit. En dedans, l'amour, mais il se sent pris. Un accident est si vite arrivé. Un suicide habilement camouflé. Un accident aurait pu être évité si cet homme aurait seulement pu se confier. Sont allés, remplis de conviction et de sincérité, présenter leurs intentions, célébrant, qui sans s'attendre, mais c'est exclamé en les jugeant. Avant la noce, la sexualité n'est pas permise, donc votre mariage ne peut être béni, humilié et incompris, leur cœur s'est endurci. Poste d'écoute. Shine on me de Maria, précédé de Que la voix du jugement se taise et de C'est à ça que ça sert, la pièce titre de son nouvel album, de son EP, de son maxi de seulement 6 pièces. Donc Maria, auteur, compositeur, interprète, elle est une batteuse qui a troqué la force de son jeu de baguette pour la pulsation de sa guitare, un propos convaincu et l'intensité de sa voix, dit-elle. Elle était dans plusieurs groupes, elle était dans Rock Blender, dans Sangria, The Quest, The Rascals et The Bees, The Crispies. Elle a sorti deux EP jusqu'à maintenant, The Window en 2004 et maintenant c'est à ça que ça sert. Au printemps 2008, elle a enregistré ce EP authentique, empreint d'une attitude d'affirmation de soi avec William Aubin. Aujourd'hui, elle souhaite partager ses chansons en les présentant accompagnées de musiciens. Les références rock, reggae et folk résonnent, dit son document de presse. myspace.com/MariaWorld, c'est le site web. Et puis, son vrai nom est écrit juste à côté ici, c'est Marie-Andrée Lessard. Donc, bravo à elle. Son EP s'appelle « C'est à ça que ça sert ». Maintenant, un groupe assez connu, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans le passé, c'est assez fou. Une de leurs pièces anglophones a été au palmarès d'une année au complet, puis l'année suivante, ou précédente, c'était une pièce en français. Donc, gros, gros succès pour la formation de Stills. Leur album est « Oceans Will Rise ». Et tout de suite, on écoute la pièce qui ouvre l'album, c'est donc « Don't Talk Down », suivi de « Snow in California » et de « Snake Charming the Masses ». Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Assez fou, 89 FM. décroche le poste d'écoute. The Steels et Snake Charming The Masses, précédés de Snow in California et de Don't Talk Down, les trois premières pièces de leur nouvel album Oceans Will Rise. J'ai fait ma recherche et les Steels étaient en première place du palmarès francophone de l'année 2005 au complet avec Retour à Vega. Et juste avant, en 2004, ils étaient numéro 1 du palmarès anglophone de l'année avec The Still In Love Song. Donc, The Steels, groupe indie canadien originaire de Montréal. Le groupe s'est tout d'abord fait remarquer à la fin de 2002 lorsque le magazine Rolling Stone a dressé la liste des groupes à surveiller en 2003 et y a inclus le groupe. Depuis, les critiques à l'égard de Logic Will Break Your Heart ont été très positives aux États-Unis. Le magazine Blender a donné 4 étoiles sur 5 à l'album en disant que c'est un exemple à suivre dans le genre pop-rock. D'ailleurs, le 20 juillet dernier, le groupe a joué devant plus de 250 000 personnes durant l'ouverture du spectacle de Paul McCartney. Ils étaient aussi au festival Art et Musique Oceaga à Montréal avec plus de 20 000 amateurs. Ça, c'est ce que Wikipédia nous dit. Leur MySpace au myspace.com/TheSteels dit que c'est un groupe alternatif de Montréal. Encore une fois, ils sont en spectacle le 3 août à Ottawa, le 12 septembre à Québec. Ensuite, ils vont être à New York et puis vont revenir à Montréal le 27 septembre. Allez voir TheSteels.net pour plus d'informations. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. Restez avec nous dans la deuxième heure. On va entendre, entre autres, le nouvel album de la formation One Day as a Lion. C'est dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. Bonjour, c'est la deuxième heure du poste d'écoute, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante pendant chaque semaine, donc c'est ce qu'on fait. T'sais, c'est tellement le fun de faire ça, moi je trouve ça vraiment intéressant. On commence la deuxième heure avec une formation alternative qui s'appelle One Day as a Lion, et c'est aussi le nom de leur album et une des pièces aussi de l'album, et on commence avec la pièce Wild International. Tout de suite, oh, 89 FM. Oh, c'est fou ça. It's crazy that, comme on dit. Crazy that. Yeah. They say that in war the truth be the first casualty. So I dig and select the eye, the resurrector. Fly my shit, sever your neck. Wider than ever with my tongue bit and fuck arsenic. Burn his illusion and fly with straight off his shit. Your arsenal strip, power rifle jackets and clips. It's my ability to define phenomena wrong. Crenshaw 84, boogie down before LA when the war break off. Where you be, take off. Standing full face off with the M1 millimeter. Let the rhythm of the chamber hit 'em. Let the rich play catch with 'em. Better yet, make 'em eat 'em and shit 'em till they so full the holes that they drown in their own. I'm like a nail stuck in the wrist and they Christmas don't need radio to lead their family a witness. Living dead fed agents. Distract us fast from a disaster's wrath for sure. Air war is flooded like the night ward. On the AM, on the AM. Turn and face them. Hatred and mayhem. Slay them. Dangerous, I take razor steps. It's a swing from the bling to the bang of the left. It's the murderer's return. Boom, bad, boom, strap. Your six that got clipped. You can't clap back. Minimal lip and criminal flow. I'm killing them soft and filling them full. Everything stole. And once again I'm at nailing the wrist of their Christmas. Watch me make their family a witness. We'll be right back. Le poste d'écoute. We'll be right back. One Day as a Lion avec la pièce Last Letter, précédée de Ocean View et de Wild International. Ça vient de leur EP qui s'appelle aussi One Day as a Lion. Et là, je me suis renseigné. Puis Zach De La Roca est membre de ce groupe, donc le chanteur du groupe Rage Against the Machine, qui est aussi dans One Day as a Lion. Dites-moi que je suis un imbécile qui ne connaît pas la musique. Si peut-être que c'est un fait évident, peut-être que je dis ça pour rien, mais bon. Donc, One Day's a Lion, un groupe de Los Angeles en Californie. Leur album vient tout juste de sortir il y a quelques jours à la mi-juillet. OneDayAsALion.org ou myspace.com/OneDayAsALion. Zach De La Roca à la voix et au clavier et John Theodore à la batterie. Allez vous renseigner sur eux, c'est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. C'est un de ceux qui ont mérité un cœur. Hein, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de cœur. Mardeen, The Stills et One Day as a Lion, ça fait pas mal le tour pour ça. On va continuer avec du Canadien. Cette fois-ci, la formation Wayborn Project. Leur première pièce s'appelle Right There. Et c'est ce qu'on écoute, Right There, dans votre radio au 89.1 FM. C'est fou, ça! C'est le poste d'écoute! Who's that pop in your mind? You show, I wanna know if these were all the lies that you told. I wanna hear it all. I took the fall. I'm left thinking. I want to recall the things you said and what I read. I'm left thinking your lies should pretend. Now you're right there, stick it right there. Wanna make it, but you come with your sin. Now you. I wanna know, I gotta know today. 89.1. La dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. Wayburn Project avec When the Morning Comes, précédé de Pill Popper et Right There. Wayburn Project qui prennent bien soin de mettre des apostrophes, comment on appelle ça, des guillemets autour de leur adresse de site web, c'est bizarre. Waybornproject.com, Wayburn, W-E-Y-Born avec un E, Project. Les liens sont comme toujours sur lunechance.com, c'est un peu dur à appeler comme nom, Wayburn. Enfin bon. Donc c'est un groupe de reggae et de rock de Collingwood en Ontario. C'est un nouveau. Un nouveau EP qu'ils nous ont envoyé il y a quelques jours ici, assez fou. Jeff Glover à la basse et la voix, Brent Smiley à la batterie et la voix, et puis Justin McArthur à la voix et à la lead guitar. Ah, j'ai oublié le dernier, John Touchette à la rhythm guitar et à la voix. Ah, MySpace, vive MySpace. Un groupe de gars qui se sont rassemblés en 2006 à Oakville, en Ontario, après être revenus de Vancouver et d'un paquet d'autres endroits au Canada. Leur énergie est pompée par le pompé ou genre, tu sais, propulsé par leur style de vie qui est le surf, le jamming et living easy. Donc, MySpace.com, Barbecue Wayburn Project, je le répète, c'est leur adresse de site web et leur hippie et éponyme. On reste dans le canadien pour aller entendre Simon Fisk, Chris Gestrin et Jerry Grinnelly avec leur album Vague Hotels. Simonfisk.com, si vous voulez plus d'informations, vous passez par le site de l'émission parce que je mets les liens à jour pendant que l'émission est en train de se faire. Donc, je mets les liens directement sur le www.unechance.com. Vous synthonisez le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à la Radio Campus de Trois-Rivières. Le 89.1 FM. C'est fou, ça! Está loca! On the radio! synthoniser le poste d'écoute. Restez avec nous pour plus de musique de la part de Simon Fisk, Chris Gestrin et Jerry Grinnelly et tout plein d'autres styles musicaux au 89 FM. Musique de Simon Fisk, Chris Gestrin et Jerry Grinnelli. L'album s'appelle Vague Hotels et ça, c'est la pièce Don't Throw Stones, presque de You Won't See Me Again. Et on a débuté avec Still in My Own Prison, simonfisk.com et le site web, ils viennent de Calgary en Alberta, ou au moins Simon Fisk vient de là. C'est du jazz electronica acoustique. Vous pouvez aussi aller voir le myspace.com/Simon Fisk pour en savoir plus sur ce joyeux groupe d'amis. On reste dans la musique, en fait, autre. Hein, ce qui n'est pas de l'anglophone ou du francophone, ce qui est plus dans l'autre, ça c'était du jazz, on va passer à de la musique du monde avec Tony Gouveia. Son album s'appelle Fado Ardente. Tout de suite, voici Linda Loa dos Amantes dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Olha ali que linda lua. Olha ali. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Lua, cheia que pintas de prata as águas e deslumbras os astros, dá luz a este amor e muda a cor destas minhas negras mágoas. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Lua feiticeira que ilumina a escuridão, arranja maneira de ela gostar de mim e põe fim a esta minha solidão. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem.

a verdade. Amor é quanto baste, minha amiga, para estar longe um segundo e ter saudade. Amor não é somente possuir-te em nome de um desejo disfarçado. Amor é num só beijo definir-te o que o coração diz, mesmo calado. Amor pode ser dor, pode ser pranto, pode do prazer ser rei, senhor. Pode passar as margens do encanto, como pode nem mesmo ser amor. E quem o amor perder deve lembrar, por muito que lhe doa a maior dor, que só um outro amor pode acalmar o resto do que foi um grande amor. A maior dor que só um outro amor pode acalmar o resto do que foi um grande amor. Tony Gouveia avec l'album Fedo Ardente, c'est le nom de l'album. Donc Un Grande Amor, précédé de Negro Zaile et de Linda Loa dos Amantes. Voilà, c'était le mieux que je pouvais faire là-dessus. J'étais en train d'aller chercher sur MySpace, voir s'il n'y avait pas des informations sur Tony Gouveia. Et son nom est assez compliqué à écrire, donc je vais vous laisser aller voir lunechance.com pour vous informer sur cet artiste. Le lien y est en ce moment même, www.unechance.com. On continue avec du canadien, on s'en va entendre la formation Belle-Île ou Belle-Isle avec Long Standing, et tout de suite c'est la pièce Guitar, I Love You. Ça se passe dans le poste d'écoute, c'est au 89.fm, mais je me répète comme toujours, on le sait, tu. Poste d'écoute. On this winding road, I can see the this winding road, I will use my No. next to Le poste d'écoute. Time. La formation Belle Isle avec Long Standing, ça c'est leur album. La pièce qu'on vient d'entendre s'appelle Flowers and Coffee. C'était précédé de Talks a Lot et de Guitar I Love You. Belle Isle, un groupe de indie folk pop de Montréal. Vraiment, vraiment très bon. Rebecca Silverberg, Tasha Sear, David K., Jeannot Boudreau. Il va être en entrevue le 4 août prochain à Seacott à Montréal. Ensuite, c'est une station de radio. Même chose pour la station Choc FM qui va les avoir le 8. La sortie de leur album se fait le 12 au Divan Orange de Montréal. Puis ils vont être en septembre à Wakefield et puis à Montréal un petit peu plus tard. Allez voir le myspace.com/Belle-Île-Montréal, B-E-L-L-E-I-S-L-E Montréal. Drôle de façon de l'épeler. Allez voir lunechance.com si le lien vous échappe. Leur site web de leur étiquette en fait est chipsatnight.com. Filles rencontre filles, ouest rencontre est, terre rencontre eau, filles rencontre garçon. Donc encore un groupe de Montréal qui n'a qu'une biographie en anglais. C'est dommage quand ça arrive, mais quand même. Belle Isle, leur album s'appelle Long Standing. Dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute, on va entendre The Warp 45 et Wes Alexander, ainsi qu'un paquet d'autres styles musicaux divers dans un genre de poutine musicale comme on aime le faire. C'est le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine pour la toute première fois, tous ensemble au 89.1 FM. Restez avec nous! Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Il nous reste donc une heure pour découvrir les dernières nouveautés qu'on a reçues pendant la semaine. Il y en a eu beaucoup, comme toujours. Toujours plein de bonnes choses à entendre. On va entendre du Wes Alexander tantôt avec son album Here Comes the Rain. Mais juste avant, on va entendre The Warped 45s avec un apostrophe avant le S. Je comprends pas trop pourquoi les gens font ça. La première pièce s'appelle Why Have You Passed Me by Grim Reaper. Et ça suivi de Turner's Alley dans le poste d'écoute au 89 FM. Groupe bizarre, quelqu'un qui a une drôle de police pas vraiment lisible. Mais bon, ça arrive. Ouais. Quelque chose qui est bien écrit, par exemple, c'est unechance.com. Très beau visuellement. Pis c'est fou.ca. Mes deux préférés. Heavy enough to keep me down. Oh, why have you passed me by, Grim Reaper? Why have you passed me by? There's ever been a purpose. Hell, it's something that I've never seen. see. All I've ever found was trouble in all the people and the places I meet. Oh, why have you passed me by, grim reaper? Why have you passed me by? Why have you passed me by, grim reaper? Why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Skies perspire through the letters in the mail. Southbound winds anoint us with the sharp ends of their tails. Cornerstone crutches have been leaned on far too long. headstone. Be my favorite jukebox, loaded with the songs of my friends. Tuck the sheets of rain tied under my collar, the headwaters of a hubcap stream. Rest my head beneath the rusted needle, rustic hymnals and walk 45s. Blessed be the barrel house piano, beating in the dying light of the radio sky. Sparrow and the chevron geese set me free to the tricks of the trade winds, on the note that the song ends, sounding reveille. Rest my head beneath the rusted needle, rustic hymnals and the walk 45. Blessed be the barrel house piano, beating in the dying light of the radio sky. When the mist round the moon is a howling perfume, push B-24 and sway. Barefoot on my grave. Rest my head beneath the rusted needle, rustic hymnals and the walls for the fight. Blessed be the barrel house piano, beating in the dying light of the radio. Les trois premières pièces du EP de la formation The Warped 45s. My favorite jukebox, loaded with the songs of my friends. La pièce Radio Sky précédée de Turner's Alley et de Why Have You Passed Me By, Grim Reaper. Album de la formation de Warped 45s. Apparemment, la pochette a été faite par quelqu'un qui ne sait pas tellement écrire, mais au moins sur leur site web, leur nom est bien écrit. The Warped 45s. C'est du rock Americana indie de Toronto, en Ontario. Ils sont d'ailleurs en spectacle un petit peu partout en Ontario en ce moment. Et c'est myspace.com/TheWarped45s que vous pouvez aller visiter pour en savoir plus, ou encore TheWarped45s.com. Les membres sont Dave McEthan, Ryan Wayne McEthan, Mark Gabriel, Kevin Huey Hewitt et Hamal Silky Finn Roy. Leur album, leur maxi, est éponyme. Il y a seulement 6 pièces là-dessus. On reste dans le Canadian pour aller entendre l'album Here Comes the Rain de Wes Alexander. Tout de suite, voici la pièce titre Here Comes the Rain dans le poste d'écoute au 89 FM. Summer night and it was too hot to move. The mosquitoes were buzzing and the crickets were chirping. Sleeping dogs laid like our unspoken words. Another day of sun and no sign of rain. And I say, was too hot to sleep, so I laid there praying. I was praying for something to change my fate. Praying for rain to wash you away. Then I say, whoa, whoa, here comes the rain. Then I say, whoa, oh, here comes the rain. And when the river broke, C'est fou 89.1. La dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. Musique de Wes Alexander avec I Never Meant to Lie, précédée de Angeline et de Here Comes the Rain, la pièce titre de son nouvel album Here Comes the Rain. Wes Alexander Music.com, c'est son site web. Il fait du blues, il écrit, il chante, il fait plein de choses. Allez vous renseigner sur son site ou passer par le site de l'émission, le poste d'écoute au www.unechance.com. Prochaine formation qu'on s'en va entendre, elle est canadienne elle aussi, c'est Gravity Wave. Oui, Gravity Wave. Kenneth Farrell est dans ce groupe-là. Et on va entendre tout de suite la pièce All Right. Puis on parlera de Gravity Wave plus tard dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. When did you sign up to join the list? just blankets, it's alright. Retour plus de Gravity Wave et on découvre Revival Deer et Drumlin dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Depuis 10 ans, 10 ans. 4, 4, 89 ans, 20. Gravity Wave avec le Twin Prime Conjecture EP 2008. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Moi, c'est Mathieu Plante. Vous savez, c'est bon ce qu'il joue là. C'est Late Bloomer, précédé de Buffalo Jump et de Zalright, point d'exclamation. Gravity Wave. Génial. Génial. C'est le projet d'un homme qui s'appelle Kenneth Farrell et quelques-uns de ses amis qui ont l'air de changer pas mal souvent selon son MySpace au myspace.com/GravyWave. Gravy, oui, G-R-A-V-Y, même si le nom du band est Gravity Wave. C'est un artiste canadien, ça ne dit pas d'où il vient exactement sur le MySpace, mais bon, peut-être ce que ça le dit sur son site web, thegravitywave.com. Si vous voulez aller vous renseigner là-dessus, passez par lunechance.com. C'est le site de l'émission. Oui, ça dit sur son site web à lui, « Welcome to the Internet. You have found a place where is it in the gravy. » Gravy, ça veut dire la sauce, c'est la musique de The Gravity Wave. C'est comme une espèce de pâte. C'est bon. Enfin. On va passer à un autre groupe, si ça vous dérange pas. Le temps avance, il nous reste une vingtaine de minutes. J'ai promis qu'il resterait deux albums à entendre. Celui qu'on s'en va entendre à l'instant même est un autre groupe canadien. En fait, les deux qui s'en viennent sont des Canadiens, donc pourquoi le préciser à chaque fois? C'est Drumlin, le premier, avec Mackerel Skies. On va l'entendre tout de suite, la première pièce de l'album de ce groupe qui vient de la Nouvelle-Écosse. C'est des chansons de l'héritage de la Nouvelle-Écosse. Ça vient de la collection de Alan Creighton. Voici la pièce « I Dyed My Petticoat Red » tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Aussi simple que ça. Sit on by the milk hill and who can blame me for crying my fill? Every tear would turn to mill. Johnny, he's gone for a soldier. Yes, my love, he's gone to France to try his fortune for two advance. If he comes back, 'tis but a chance. Johnny, he's gone for a soldier. Black and his eyes were blue, his arms were strong and his words were true. Wishing my heart that I were with you, a blessing walk with you, love. Me, oh my, I loved him so, it broke my heart to see him go. Only time will heal my woe, Johnny's gone for a soldier. Here I sit on buttermilk hill, and who can blame me for crying my fill? Every tear would turn to mill. Johnny's gone for a soldier. Likewise, I'll sell my spinning wheel. Buy my love a sword of steel. Johnny's gone for a soldier. Dye my dress a burning red. Through the streets I'll earn my bread. For the lad I love from me has fled. Johnny's gone for a soldier. Sit on buttermilk hill, who can blame me for crying my fill? Happy tea would turn the mill. Johnny's gone for a soldier. Here I sit on buttermilk hill, who can blame me for crying my fill? Happy tea would turn the mill. Johnny's gone for a soldier. Tie my dress a burning red, and through the streets I'll earn my bread. For the lad I love from me has fled. Johnny's gone for a soldier. Le poste d'écoute. Don't dodge your head, you act just like a fool. The early year is rising and the gin is getting low. And I hardly think we'll get a drink till we reach Buffalo.

boys, windy weather boys, stormy weather boys, when the wind blows, we're all together boys. Blow your winds westerly, blow your winds blow, a jolly nor'wester, how steady she goes. La formation Drumlin avec leur album qui s'appelle Mackerel Skies ici dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois. Les nouveautés musicales reçues assez fou pendant la semaine. Et qu'il y en a donc de ces nouveautés. Donc on a entendu trois pièces. I Dyed My Petticoat Red, Let Go Your Bowline. Et ça, c'est qui vient de jouer, c'était Stormy Weather Boys. Vous pouvez aller voir le drumlin.ca, drumlin.ca. C'est surtout, en tout cas, moi je vois deux enfants et deux personnes adultes slash adolescents. Enfin bon. Donc c'est des chansons d'héritage de la Nouvelle-Écosse. Ça vient de la collection Helen Creighton Drumlin avec Mackerel Skies. On reste dans l'anglophone pour terminer l'émission avec l'album de la formation Revival Deer. L'album est, porte aussi le nom de Revival Deer. Et on commence avec la pièce Town That I've Known dans le poste d'écoute au 89 FM. Quelques 10 minutes et après ça, ben, on découvre, en fait, je prononce, on pourrait dire, mon poste d'or de cette semaine, mon album à conseiller. Dans quelques minutes, au poste d'écoute. Locking the door, ain't used no more. Better walk on the water. Can't you see it's not anybody's brother? Walk your feet, come on in. Can't you see it's time to stop this thinking? I can see the reasons why. I can see the reasons why. I can see the reasons why. I can see the reasons why. I can see the reasons why. I can see the reasons why. Hannah Montana et son père, tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'était du très, très country avec Revival Deer. Leur album est éponyme. Ça, c'était la pièce Land and Tide. C'était précédé de Town That I've Known. On va écouter seulement deux pièces, mais quand même Revival Deer, qui est de la musique roots, moi, je dirais, slash country, de Toronto en Ontario. Ils vont être en spectacle à Montréal en octobre prochain. Suivez le myspace.com/Revival Deer si ça vous intéresse, ou encore le revivaldeer.com. C'est Eddie Orso et Shelley Hayes, les membres de ce groupe canadien. Nous, ben, c'est déjà la fin de l'émission, donc on va couronner un poste d'or. Et avant de couronner le poste d'or, faut dire ce que j'ai aimé dans l'émission de cette semaine. Donc, je pourrais mentionner, entre autres, The Steels avec Oceans Will Rise. Et oui, ce n'est pas mon poste d'or. One Day as a Lion, le groupe de Zach de la Roca, avec leur album éponyme. J'ai aussi aimé Belle Isle avec Long Standing, et puis Gravity Wave avec Twin Prime Conjecture EP 2008. Mais mon poste d'or, et vous l'aurez deviné si vous avez écouté un petit peu plus tôt que je disais que ça avait déjà été un poste d'or avec leur EP Dans le bon vieux temps. Leur album est aussi mon poste d'or. Voici Mardine. Leur album s'appelle Read Less Minds. On va se quitter avec la pièce You Feel It. Et jusqu'à la semaine prochaine, ben, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve les vendredis à partir de 10h, les samedis à 13h et les lundis à 17h. Moi, je vous retrouve aussi à La Connexion et dans les Palmarès C'est Fou. Et cette semaine, bonus, j'anime et j'ajoute la dernière porte à gauche à la liste d'émissions que j'anime en remplacement de Key One. Jusqu'à la semaine prochaine, ben, faites attention aux genoux et bonne chance. Bye bye! Let's talk this out. It sounds like mine. You did it all. You put it on wine. Let's talk this out and read less minds. Look at the heart I came with. Look at the heart I came with. Like that, let's trade our sides. don't